Chapitre 18. L'ombre de la mort qui passe. C'était avec une profonde et terrible douleur que l'abbé Pierre Kerbiriou, le jour de la cérémonie de la croix de mission, avait vu son neveu, après le scandale inattendu qu'il avait provoqué, s'éloigner en menant Geneviève Goualaine éplorée. Il était retourné au presbytère, l'âme et le cœur bouleversés, dans un tel désarroi de pensée qu'il avait dû se jeter en prière au pied d'un crucifix pour invoquer le Seigneur et le supplier de faire rentrer en lui le calme, l'apaisement, afin de lui permettre de juger sainement et froidement ce qui s'était passé. Quand Maria ne l'avait vu revenir dans un pareil état, elle qui, avec son indulgence presque maternelle, prenait généralement le parti du jeune homme, elle n'avait pu s'empêcher de blâmer intérieurement Denis et de grommeler avec mauvaise humeur. « Le maladroit, le moyen de tout gâter, de tout perdre qu'il a employé là. Crois-tu, Manaïque, il a osé partir avec elle ?» Il y avait un véritable chagrin dans la voix du prêtre lorsqu'il annonça cette nouvelle à sa vieille servante, une intense douleur, comme si le jeune homme l'eût quitté pour toujours. Marianne, d'un ton de conciliation, rectifia. « C'est par pitié, sans doute, qu'il a agi. Il ne pouvait l'abandonner, la laisser là sans secours. Elle était tout en faiblesse que j'ai bien vu, la malheureuse fille. La charité chrétienne lui faisait un devoir. » Le prêtre soupira. « Ah, c'est une croix bien lourde, bien imprévue. Moi qui l'aimais tant, moi qui avais fait pour lui les projets les plus beaux, les plus brillants, il m'en récompense mal. » Si elle eût osé, Marianne, elle aurait objecté ce que ses lèvres retenaient à grand-peine, l'explication qui dit tout. Il l'aime. Elle préféra attendre, comptant que tout cela finirait par s'arranger, maintenant que le mal était fait, que la chose avait été révélée publiquement. Le soir, à une heure assez avancée de la nuit, Denis le Marec rentra. Elle alla au-devant de lui pour le décider à venir voir immédiatement son oncle. Mais il était dans un tel état d'exaltation qu'elle eut peur et qu'elle se contenta de lui demander s'il n'avait pas besoin de quelque chose, s'il avait soupé. Il la renvoya si durement, pour la première fois de sa vie, qu'elle en eut les yeux piqués de larmes en l'entendant gronder rageusement. « Non, rien, qu'on me laisse la paix !» Elle essaya de dire « C'est-y donc toi, mon fils, qui me parle ainsi ?» Il reprit furieux, les poings crispés portés à sa figure en feu, en un véritable accès de délire. « Assez, assez ! Qu'on ne me torture pas davantage ! Je souffre assez comme cela !» Marianne s'éloigna, navrée, se coupant la poitrine et le visage d'un grand double signe de croix, disant « Possible tout de même que ce soit pour lui une mauvaise fréquentation que ces gens du Cap de la Chèvre, qu'il en revient si tout changé. Pauvre gars !» Puis, prise d'une crainte, « Il souffre qu'il dit « Jésus, protégez-le !» Toute la nuit, elle écouta, dans le grand silence angoissant des ténèbres, où les moindres bruits ont des échos formidables, où la nuée confuse des fantômes hante le cerveau et les yeux. Et il lui sembla, à plusieurs reprises, entendre de vagues plaintes, des appels confus, toute une suite de choses inquiétantes. Elle se leva au petit jour, tenaillée par l'inquiétude, combattue entre le désir de savoir comment il avait passé la nuit et la peur de se voir encore mal accueillie, repoussée par celui qu'elle aimait comme elle eût chéri son enfant. Cependant, comme l'heure s'avançait, que le moment approchait où l'abbé Kerbiriou allait lui demander si son neveu était de retour, elle se hasarda à frapper à la porte. Deux ou trois fois, elle heurta sans recevoir de réponse. Enfin, se décidant, elle ouvrit doucement et entra. Les yeux clos, la respiration sifflante entre les dents serrées, la face pourpre, Denis le Marec semblait dormir profondément. Mais, bientôt, des paroles confuses et précipitées sortirent de ses lèvres, tandis que ses bras s'agitaient devant lui et que sa tête roulait d'un mouvement continu sur l'oreiller. Effrayée, elle questionna. « Denis, mon Denis, c'est moi, ta vieille Manaïque, tu sais bien ?» des paroles, encore des paroles, mots sans suite, exclamations entrecoupées de plaintes, de soupirs qui soulevaient sa poitrine d'une houle continue. Elle lui toucha la main. « Seigneur Dieu, du feu qu'on dirait, c'est la fièvre qui le ronge à cette heure !» Elle tenta encore de lui parler, mais il ne voyait, il n'entendait rien. Levant les bras au ciel, elle eut un geste de désespoir. Elle s'élança affolée à travers le presbytère, appelant « Monsieur le recteur ! Monsieur le recteur ! Denis qui ne me reconnaît plus !» Ce fut un nouveau coup, une nouvelle forme de la souffrance pour l'abbé Kerbiriou. Accouru au premier cri de la servante, il s'assit au chevet du lit de son neveu et se mit en devoir de le soigner avec les connaissances rudimentaires qu'il pouvait avoir en médecine, se disant autant pour se rassurer que pour éloigner, dans son cerveau troublé, toute autre raison à cette subite maladie. Ce sont ses fièvres qui le reprennent, bien certainement. Il n'osait arrêter sa pensée sur une corrélation possible entre la violente scène de la veille et ce mal survenu si brusquement, mais malgré lui, il la redoutait et essayait de s'illusionner, croyant se souvenir que, plusieurs fois déjà, son neveu lui avait parlé de fièvre gagnée en voyageant, fièvre dont cependant il n'avait eu aucune attaque en France. Il demanda même à Marianne. « C'est au Sénégal, je crois, que le pauvre garçon a subi sa première atteinte. » Machinalement, la vieille servante répondit. « Peut-être bien. Je ne me souviens pas trop. » Elle non plus ne croyait pas à un mal rapporté de l'étranger et pensait. « C'est un coup de douleur qu'il a comme ça. C'est sa faïque qui lui dévore le sang, bien sûr. » Dès que le médecin qu'on avait fait mander de Crozon fut arrivé, les premières paroles du curé firent intervenir, comme explication de la maladie, ces fièvres que le jeune homme avait eues. « Vous savez, docteur, il a beaucoup voyagé dans un tas de pays malsains, le Sénégal, la Guyane, la Cochinchine, on en rapporte toujours quelque chose. » « Oui, certainement, » appuya le médecin qui examinait le malade. « Il peut y avoir de cela, mais il y a autre chose aussi. » C'est au cerveau que toute la violence du mal s'est portée. Votre neveu n'aurait-il pas eu quelque grosse émotion, une forte douleur morale, un grand chagrin ? Troublé quelques minutes, l'abbé examina son interlocuteur. Celui-ci savait-il déjà ce qui s'était passé à la cérémonie de la veille, ou bien sa question n'était-elle que purement professionnelle et simplement basée sur le diagnostic du mal reconnu par lui ? Il plissa les lèvres d'une moue mécontente, répondant « Dame, je ne sais trop. Je croyais que la violence de ces fièvres suffisait à expliquer. L'état général, la fréquence du pouls, oui, à première vue, mais je constate une exaltation, un délire qui me ferait craindre des accidents cérébraux non motivés par un simple accès de fièvre des colonies. » Le recteur se décida. « Eh bien, oui. » « Hier, il a eu une forte contrariété, mais je ne pensais pas... » Le médecin éleva discrètement la main. « Bon, bon, croyez bien que si je me permets de vous questionner ainsi, c'est dans l'intérêt du malade pour combattre plus sûrement la maladie. » Sans insister davantage, il prescrivit des remèdes, laissa une ordonnance très détaillée et promit de revenir tous les jours. Resté seul, Pierre Kerbiriou, écrasé de douleur, laissa tomber sa tête dans ses deux mains, essayant de voir clair au plus profond de lui-même. Avait-il donc mal fait en résistant à la demande si extraordinaire de son neveu ? Devait-il le voir malade, en danger peut-être, parce que lui, ministre de Dieu, il avait pris les intérêts de l'Église la défense de cette religion, dont il était l'un des représentants sur la terre, contre ceux qu'il considérait comme leurs plus dangereux, leurs plus terribles ennemis? Il croyait cependant n'avoir agi que pour le bien de tous, et voilà que le mal, en frappant son neveu, en l'atteignant dans l'être qu'il chérissait le plus, semblait lui donner un démenti éclatant, le blâmer de la conduite qu'il avait tenue. Il adressait d'intimes et ardentes prières à Dieu, lui demandant de l'éclairer en un cas si nouveau, le suppliant de ne pas le laisser entre ces deux douleurs, la souffrance de son neveu, le péril couru par l'Église. Mais il s'arracha à ses premières luttes intimes avec lui-même pour soigner énergiquement le jeune homme, s'étourdissant en ne s'occupant que du malade, en éloignant de son esprit toute autre pensée que celle de sa guérison, de son salut physique, et secondé par le dévouement de la vieille servante. Bientôt, grâce au premier remède, il eut la satisfaction de voir disparaître peu à peu le délire qui fit place à un sommeil moins agité, plus rassurant. Déjà, l'espérance lui revenant, il formait de nouveaux projets, combinait toute une histoire qui pousserait Denis à partir de nouveau, à quitter Camaret pour un voyage au long cours pendant lequel sa passion s'émousserait. Il se frottait doucement les mains, comptant sur cette tenace tendresse pour la mère qui lui avait si souvent arraché son neveu chaque fois qu'il espérait le retenir, et se disait « J'aime encore mieux le savoir là-bas en Amérique, aux Indes, en Chine même, qu'à ce cap de la chèvre. » Malheureusement, le mieux ne dura pas. Les crises se succédèrent, plus violentes, déroutant la science du médecin qui, malgré toute sa bonne volonté, tout son zèle, n'arrivait pas à enrayer complètement, définitivement le mal, et se trouvait chaque fois en présence d'accidents nouveaux, de phénomènes de plus en plus déconcertants. Un jour, il se montra si mécontent, si surpris de ce qui se produisait dans l'état du malade, que l'abbé lui demanda s'il était véritablement inquiet. Après une courte hésitation, le docteur décida « J'aimerais assez avoir l'avis d'un confrère. » C'était là un symptôme si redoutable que le prêtre, malgré tout son courage, resta un moment suffoqué de douleur, balbutiant « Mon Dieu, c'est donc si grave !» Toute espérance s'envolait loin de lui et, avec cette fugitive lueur d'espoir, disparaissaient les beaux desseins secrètement échafaudés. Cette fois, il ne s'agissait plus de savoir ce que Denis le Marec ferait après sa guérison, il fallait le disputer à la mort. Il répondit au médecin « Amenez le confrère que vous choisirez. À vous deux, vous saurez bien me le rendre. » Quelques jours se passèrent, durant lesquels, pour la seconde fois, un mieux très sensible se produisit. Mais Pierre Kerbiriou ne se hâta pas trop de se rassurer. Surtout, il s'efforça d'écarter de son esprit toute préoccupation autre que celle de la guérison de son neveu et de songer uniquement à cette guérison. Une médication différente et très énergique fut tentée, qui donna d'excellents résultats. Le délire avait de nouveau presque disparu. Les accès de fièvre s'espaçaient, diminuaient d'intensité. Déjà le curé rendait grâce au ciel quand une rechute plus violente que les précédentes détruisit, en quelques instants, le bien si péniblement acquis. Jusque-là, les paroles prononcées par Denis dans son délire étaient tellement confuses, heurtées, incohérentes, qu'il était impossible de leur découvrir un sens, de deviner même ce qu'elles pouvaient vouloir dire. Mais le matin de la rechute, il en fut tout autrement. L'idée se fixait, s'immobilisait, tenace, lancinante, et un nom, toujours le même, volait, ardent, désespéré, de sa gorge en feu, de sa bouche desséchée. Faïk, Faïk Gualen, Faïk. Justement, à ce moment, Marianne se trouvait auprès du lit avec l'abbé Kerbiriou. elle le regarda. Celui-ci, fuyant les yeux de la servante comme s'il eût cherché à échapper à un remords, se détourna et, à deux reprises, sa main passa tremblante sur son front, sur ses paupières, s'efforçant d'écarter la vision. « Faïk, Faïk !» gémissait le malade. Manaïk, les mains jointes, balbutiait une prière. « Sainte Vierge, sauvez-le » Le curé murmura. « Toujours, toujours elle. Ah, le malheureux enfant !» Un peu de pitié amollissait son cœur, auparavant si farouche. Il se trouvait attendri, prêt à certaines concessions. Déjà, à plusieurs reprises, il avait fait un mouvement du côté de la vieille Marianne, devinant ce qu'elle pensait, songeant que son cœur de femme renfermait plus de vraie miséricorde, plus de tendresse que le sien. Il sentait à présent une phrase trembler au bord de ses lèvres, une phrase de conciliation et de charité, qui deviendrait peut-être un moyen de salut. Il allait la laisser échapper, dire à sa compagne « Parle-lui d'elle, de celle dont le souvenir le poursuit ainsi. Cela le soulagera sans doute. » Ce fut Manaïk qui le prévint par ces mots inattendus. « Déjà 3 semaines que cela dure, ce mal, monsieur le recteur. Vous trouvez ça naturel ?» L'abbé inclina la tête, ne sachant où elle en voulait venir, distrait de la pensée qu'il avait eue, un peu déconcerté par cette interrogation énigmatique où quelque danger lui paraissait blotti. Ne voulant pas rester à court, il fit observer. « Les médecins m'ont prévenu que ce serait long. » Elle haussa les épaules irrespectueusement, si fort que sa coiffe en fut toute bousculée. « les médecins, voulez-vous que je vous dise, moi, tout franc ?» Eh bien, ils n'y connaissent rien de rien à la maladie de votre neveu. » Il les défendit, protestant. « Il n'est cependant pas possible d'être plus zélé, plus compétent que... » Manaïk ne le laissa pas achever. « Ce seraient les médecins de Brest, de Paris, de tout ce que vous voudrez, les plus fameux, que j'en serais pour ce que je pense, que pas un d'eux n'est capable de le guérir. » Elle croisa les bras, front baissé dans un entêtement muet qui provoqua la curiosité de son maître, car celui-ci, après avoir attendu quelque temps sans qu'elle se décidât à parler, questionna. « Alors toi, Manaïk, ton idée serait... » Il attendait, pensif, quelque peu inquiet, à cause de l'esprit bizarre qu'il connaissait à la vieille servante. Elle releva lentement la tête, le regarda bien en face, en s'efforçant de rester calme, et indiqua, la voix basse, « Quand, dans le pays, les médecins ne parviennent pas à guérir, on va ailleurs. » De surprise, le prêtre s'était à demi levé sur son siège. Il se domina et continua d'interroger, un tremblement aux lèvres. « Ça veut dire ? Il y a le reboutou ?» Elle avait lancé ces mots très vite, comme dans une hâte de se débarrasser d'une confidence difficile. Cette fois, Kerbiriou ne put se maîtriser, et, jeté debout par la violence de la colère, il s'indigna. « Lui, le maudit ?» La vieille bretonne insista, mâchant les mots, comme pour bien montrer qu'elle ne céderait pas. Lui seul peut le sauver, Aster. Il m'a sauvé autrefois, quand tous les médecins me déclaraient perdu, bonne à porter dedans la terre. » Le prêtre, la regardant avec plus de curiosité que de fureur, joignit lentement ses mains retombées devant lui. Tu le connais donc ? C'est la première fois que j'apprends. » Elle bougonna. C'était pas des choses à vous dire, pas vrai ? Vous m'auriez bien reçu. Mais à cette heure, quand il y a du péril, il faut bien aller au bateau de sauvetage. » Il poursuivit, intéressé malgré lui, l'âme vide d'espérance. Ainsi, il t'a soigné ? Il m'a guéri, il m'a sauvé. là où toutes les médecines du monde avaient échoué, et il sauvera votre neveu si vous le voulez, c'est moi qui vous le dis. » Par jets violents, brutaux, chassés du cœur, le sang montait à la face du prêtre, qu'elle empourprait largement. Il luttait contre l'assaut de ses pensées. Il sembla enfin se dominer, prendre une brusque résolution, et, presque suppliant, montrant le lit où Denis était étendu, dévoré de sa reprise de fièvre, « Tu consentirais à aller le trouver, cet homme, ce Nédélec Gualen, pour qu'il vienne le guérir, lui, mon enfant ?» Marianne se redressa vivement rayonnante. « À l'instant, si vous le désirez, et vous verrez ce qu'il sait faire, celui de là-bas !» Mais le prêtre, se souvenant de ce qui s'était passé à la cérémonie de la croix de mission, demanda « Voudra-t-il, lui ?» La servante eut un mince froncement de sourcils. « Oh, dame, aussi, vous n'avez pas été charitable pour sa fille, monsieur le recteur. Enfin, c'est un si brave homme !» Tandis que, vivement couverte d'un manteau, elle se mettait en quête d'une voiture pour aller chez le Reboutou, l'abbé Pierre Kerbiriou, abîmé devant une statue de la Vierge, suppliait « Faites qu'il vienne, Mère du Christ !»